Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous n'allons pas parler ni roman ni nouvelle, mais nous allons parler d'une des plus belles villes du Grand Est qui soit. J'ai nommé la Grande Gérardmer avec le livre de Patrice Greff. Bonjour Patrice. Bonjour Sarah. Je suis très honorée de vous recevoir cet après-midi. De même. Dans les studios de la radio pour parler donc de votre 9e livre aux éditions Gérard Louis, Gérardmer, la fantastique vallée des Vosges. Alors Patrice, comme chaque auteur qui rentre dans les studios de Fadjet et surtout pour l'émission Caprice de lecture, vous allez être soumis à un feu de questions. Souvent, les questions ne concernent pas que le livre, mais concernent aussi l'homme derrière le livre. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt au décollage, Patrice? Oui. Bien. Absolument. Donc, comme je le disais en introduction, c'est votre 9e livre qui est illustré par vos soins. On part à la découverte de Gérardmer. Alors, pas que Gérardmer, le lac. Il y a aussi les autres lacs autour. Et puis, vous nous faites aussi voyager à travers... Le patrimoine gustatif. Oui, un petit peu. Et oui. Le paysage. Alors, Patrice, est-ce que c'est une vraie passion pour cette région? Pourquoi ce livre? Parce que c'est une région que vous aimez à la folie? Je suis profondément attaché à la Lorraine. Et, ça s'entend. Et particulièrement à ce petit coin de Lorraine qu'on appelle aussi la Perle des Vosges. Oui. Où j'ai été propriétaire pendant 17 ans. Oui. Donc ce livre-là est le résultat, le fruit de mes nombreuses balades, toujours accompagnées parce que c'est aussi ma passion, la photographie. Donc toujours accompagnées d'un appareil photo, ce qui a donné une masse d'images considérable. Il a fallu trier. Il a fallu trier. Et puis, lorsque je poussais, parce que je pousse régulièrement les portes des librairies et que je regardais ce qui était en rayon, il n'y avait rien sur Gérardmer ou pratiquement rien. Donc j'ai un peu convaincu mon ami et éditeur Gérard Louis, ouais, de faire quelque chose. Et c'est quelque réussi. Chose, c'est ça. C'est très réussi. En plus, le format est très sympa. Alors, les auditeurs ne peuvent pas le voir. D'habitude, sur ce genre de livre, vous savez, c'est de très grand format, plutôt lourd, ouais, pas facile à transporter. Alors que celui-là, il est bien. Le format est plus court, plus léger, du coup. Ouais. Mais la qualité du papier est quand même excellentissime pour de la photo. Le format dit à l'italienne, oui, se prête particulièrement bien très à l'image. Alors justement, ce livre est un véritable guide, tant de randonnées que d'escapades gourmandes. Vous nous faites découvrir toute la nature autour de Gérardmer. Est-ce que avez-vous un lieu favori? Est-ce que dans tout le livre là, est-ce qu'il y a un lieu où c'est celui-là qui vous tient le plus à cœur? J'aimais bien aller me promener parce que j'étais tranquille à l'étang sous les Feignes, qui est juste à côté des pistes de ski de la Bresse, oui, mais qui en était un circuit de promenade. Alors quand qui est un peu dans un creux, donc il y a une espèce de microclimat, ouais, hein, on est à l'abri du vent, ouais, et c'est peu connu, donc on y est très tranquille. Et là, vous aimez on y bien. Était très tranquille. Alors, vous aimiez, on va parler au passé, vous aimiez bien vous y retrouver tranquille. Oui. C'était votre, oui, petit coin à vous. Oui, parce que quand on est amoureux de la nature, ouais, et voilà, on cherche pas nécessairement les quais du lac de Gérardmer. Non. On cherche... Alors, j'avais aussi un petit coin que j'aimais beaucoup, qui a été... Surtouristé. Non, il a été... Non. Il a été, je vais dire, détruit. C'était Belle-Briette, où il y avait un barrage avec un petit étang. Le coin, ouais, là était... C'était où, ça, Belle-Briette? Belle-Briette, c'est... On y accède par un chemin, une route forestière au bas du col de la Schlourte. D'accord, ok. Et alors, c'est une promenade circulaire. J'allais aussi écouter le Brame, là. Ok. Et c'est une promenade circulaire qui fait à peu près 6 km au départ de ce... Facile d'accès. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et pourquoi vous dites détruite? Qu'est-ce qu'ils Parce qu'ils ont supprimé le barrage. Ils ont libéré, il y avait une retenue d'eau. Oui, ils ont libéré. Ils ont libéré pour rendre le cours initial. Et donc tout a disparu? Eh bien, tout a disparu. Mais c'était un petit coin que j'aimais par-dessus. Petit coin de paradis, oui. De Patrice Greff. Mais il y a tellement de choses sympas du côté des Vosges. J'aimais aussi monter au lever du jour sur le Honeck et au milieu des chamois. C'était ouais. Magnifique. Et puis on avait le bonheur, quand le jour se levait, de voir l'Oberland bernois. Oui. Les montagnes oui. des Alpes. D'ailleurs, il y a des photos dans oui, votre qui ouais. se découvrent. Un bref instant au moment du lever du jour, et puis qui disparaissent après dans le halo de la pollution, de tout ce qu'on c'est veut. C'est une quoi. Vraie passion chez vous. Ah oui, oui. C'est une vraie passion. Gérard oui, Mais les Vosges, oui, vous l'avez, oui, c'est dans oui, votre ADN. Oui. Hein. Alors, ça se sent. Comme je n'ai plus ce pied à terre, mais je retourne encore régulièrement ouais. dans les... Dans c'est les en Vosges, vous, parce c'est, que... c'est en vous. Bah oui, bien sûr. Alors, on va faire une première coupure musicale avec donc votre choix. C'est une chanson d'Yves Dutheil, La langue de chez nous. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je crois qu'on a une des plus belles langues. Oui. Certains disent même que c'est la plus belle langue du monde. On nous qualifiera peut-être de chauvin. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je suis assez régulièrement un peu chafouin quand j'entends tout le temps les anglicismes qui se glissent dans la langue française. Et cette chanson est aussi un hommage à Félix Leclerc, oui. canadien. Et je trouve que nos cousins d'Amérique défendent beaucoup mieux la langue française que nous. Et nous, notre propre langue. Ils ne cèdent pas aux anglicismes. Eux, ils trouvent à chaque fois, quand nous, on dit des emails, eh ben, eux, ils disent un courriel. Oui. Hein, et plein de choses comme ça. Et puis, je suis un petit peu aussi agacé quand je vois des fictions, par exemple, à la télévision, et qu'il y a une musique qui l'accompagne. Et chaque fois, on est obligé d'entendre Brer en anglais. Alors ça, ça m'énerve copieusement. J'attendais pas cette fin-là. Ça me fait beaucoup rire. Elle est tellement vraie. C'est vrai. Voilà. Donc, la langue de chez nous. Et puis, Dutheil a mis ces mots magnifiquement en musique. Très bien. Donc, on fait cette coupure avec Yves Dutheil. Et on revient juste après pour la deuxième partie d'émission. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, dans les Vosges ou presque, avec Gérard May, la fantastique Vallée des Vosges de Patrice Greff. Patrice, est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Donc on peut continuer ? On continue. Alors justement, Patrice, qui êtes-vous ? Après une carrière riche, vous vous tournez vers l'écriture et la photo. J'ai cru comprendre que la photo était une passion de quasi toujours. Absolument. Mais l'écriture ? J'ai toujours un peu écrit. Dans mon métier, je faisais de la formation. Plutôt peut-être technique. Je rédigeais des articles. Ouais. Donc, pour moi, écrire n'est pas... Ça vous a pas lâché ? N'est pas un problème. Et puis, la photographie, au sens étymologique du terme, c'est écrire avec la lumière. Oui. Donc, c'est une forme d'écriture aussi. D'accord. C'est mettre la beauté en boîte, quelque part. Vous faisiez quoi comme travail avant ? Je formais au métier de la filière fruits et légumes. D'accord. Donc, rien à voir. Rien à voir, mais non. Pourtant, vous êtes formateur. Vous écrivez peut-être des supports de formation dans le cadre de votre métier. Oui, puis des articles, des piges. Okay. Mais c'est rigolo parce qu'on pourrait imaginer que vous écriviez peut-être des choses techniques. Oui, c'était quand, toujours quand même... Et puis quand on a passé une carrière à écrire des trucs techniques, on peut se dire, bah, j'en ai ras-le-bol. Oui. Vous auriez le droit. Et en fait, non, vous l'avez gardé. Et puis ce métier-là m'a fait voyager aux quatre coins de la planète. Ouais. Et quand je revenais en Lorraine, j'appréciais d'autant de revenir. Vous étiez chez vous, le plus bel endroit du monde. Oui, et je dirais même que j'ai commencé à travailler la photographie sur la Lorraine, parce que quand je travaillais et que je me déplaçais beaucoup et qu'on me demandait d'où je venais et où je vivais, et que je disais que j'étais Lorrain et que je vivais à Nancy, j'entendais une avalanche d'ineptie sur l'image de la région. J'ai dit, c'est pas possible, la région où je vis n'est pas aussi... hostile. Donc je me suis un peu mis à faire de la photographie du patrimoine, des paysages. Vous aviez peut-être envie de montrer aussi que les idées reçues n'étaient pas absolument. Du tout le reflet de ce que les gens pensaient. Que la Lorraine valait bien mieux que tous ces... Mais encore aujourd'hui, hein. Oui. On entend plein de choses. Oui. On entend, oh là là, mais il fait froid, il pleut tout le temps. Oh là là. Oh là là, et puis les gens sont pas sympas. On m'a dit, mais tu parles français ? Ah bon ? J'ai eu droit à tout, à peu près tout. Terrible. Mais c'est terrible comme les idées reçues ont là. Ouais. Donc tout ce que j'ai fait, tous les livres que j'ai fait, notamment avec Gérard Louis et puis l'autre, Fier de d'être Lorrain, ont tous un dénominateur commun, la Lorraine. Et oui, puis inconsciemment peut-être vous avez envie de montrer au reste du monde, mais regardez, arrêtez de croire des choses... Oui. J'allais dire idiote, c'est pas et le bon puis, terme. La Lorraine est certainement une des régions qui a apporté le plus. Oui. Puis la pauvre Lorraine. Oui. Franchement. Oui. Hein ? Je veux dire, si on refait un peu l'histoire sur les 150 dernières années, pauvre Lorraine. Hein ? Pauvre Lorraine. Bon. Alors, justement, parlons-en de la Lorraine, Patrice. Quelle est votre actualité, tiens ? Est-ce qu'il y a un autre bouquin un petit peu dans les tuyaux ? Sur la Lorraine, est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça ? Alors, j'avais dit que ça faisait mon 10e livre et que ça faisait un compte-rond, et puis c'est bien. Et puis, depuis, j'en ai préparé un autre du même style, qui est sur la Bresse et les Hauts-de-Vosges. Alors, je ne sais pas. Oui. Est-ce que on sent un homme qui n'est pas investi dans sa mission. Est-ce que Dieu lui prêtera vie ? D'accord. Donc, allez, plutôt sur la Bresse, vous me dites, c'est oui, ça ? Oui, la Bresse et les Hauts-de-Vosges. OK. Donc, ce serait... Un peu la même philosophie que Gérard May. Et une balade... Pour quand ? Vous nous emmenez en balade, cette fois-ci, à la Bresse ? Je ne sais pas. Vous savez, quand on est auteur d'un livre, même si j'ai des relations privilégiées avec mon ami... éditeur Gérard Louis, il y a toujours une part d'aléatoire. Un livre, c'est toujours une longue alchimie faite de rencontres, de discussions. Je suppose que vous aviez sous le coude des centaines de photos aussi. Ah, pas des centaines. Ah, moins. Des centaines de milliers. Ah, voilà. La banque d'images sur la Lorraine... C'est à peu près 24 000 images. Donc jamais, quand vous partez en balade, vous n'oubliez votre appareil photo. Jamais. Jamais, ça n'arrive pas. Jamais. C'est comme un prolongement de moi-même. Ouais. Et la photographie a été aussi pour moi un formidable sésame. Parce que j'ai pu aller dans plein d'endroits pour faire... pour travailler sur des sujets photos qui m'ont ouvert... plein de portes que je n'aurais peut-être pas poussées s'il n'y avait pas eu la photo. Cette excuse-là, la photographie. Oh, c'est chouette, ouais. c'est bien. Donc, il y a un autre bouquin dans les tuyaux. Cette fois-ci, on part à la Bresse. Ouais, peut-être. Bon. Est-ce que vous faites des salons ou des dédicaces ou Dédicaces, oui. Ouais, vous en faites où, là ? Les prochaines vont être avec au Livre sur la Place, évidemment. Alors, OK. Et puis, quand mon éditeur et ami me sollicitent... D'accord. Vous faites Saint-Max ou pas ? Le salon de Saint-Max ? Non, pas cette année. Pas cette année. D'accord. OK. Bon, écoutez, super. Je crois que la prochaine fois, c'est le marché du livre... le marché de Noël de Sion. C'est fin novembre, ça, non ? Je crois. Je crois que c'est fin novembre. Mmh. Bon, un joli petit programme. Oui, plus oui, la photo, oui, plus les balades. Voilà. Bon, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale, toujours de votre choix, Patrice. Chanson de Pierre Perret, au Café du Canal. Ah oui, parce que c'est un monceau de poésie, de tendresse, d'amour. Pierre Perret est surtout, connu pour ses chansons un peu humoristiques, voire un peu grivoises. Ouais. Mais il a aussi écrit des textes magnifiques. C'est pas par hasard qu'il a 40 écoles à son nom. Hein. Ouais. Exact. Alors, on l'écoute ? Volontiers. Alors, on ne l'entend pas souvent. Alors du coup, on va l'écouter avec d'autant plus de plaisir et on se retrouve juste après pour votre caprice de lecture. J'ai la jolie rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais venu et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais dans un carré d'orties, il y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. On était seul au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Caprice de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission, en présence de Patrice Greff pour son neuvième livre chez Gérard Louis, Gérard May, La fantastique vallée des Vosges. Patrice, vous allez nous faire part de votre caprice de lecture. Alors la parole est à vous. Alors le dernier livre que j'ai lu est celui de Gilles Laporte. Oui. Qui s'appelle « Le goût des murs sauvages ». Alors, il en a ressorti un depuis. J'ai un Laporte de retard. Le dernier, c'est « Le roué de Jeanne ». Voilà. Alors, je connais bien Gilles et on a toujours, il est comme moi, un amoureux fou de la Lorraine. Et on a toujours des discussions enflammées sur la Lorraine, sur... Bon, ce que la France lui a fait. Oui. Hein, on va s'arrêter là-dessus. Mais je crois que j'ai lu pratiquement tous ses livres. Oui. J'ai commencé dans l'œuvre de Gilles Laporte par le livre sur la Motte, les violettes de la Motte. Oui. C'est comme ça que j'ai connu l'œuvre de Gilles Laporte, et puis depuis j'ai toujours lu ses livres. Ils ont un dénominateur commun qui est la Lorraine, donc ils m'embarquent à chaque fois dans des endroits que je connais. Vous êtes un peu chez vous quand vous lisez. Absolument. Gilles Laporte. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour... En plus, le talent d'écriture de Gilles n'est pas... On discute pas voilà, là-dessus. Ça se discute même pas. Et alors, il y a un immense travail de sa part, de recherche pour coller au plus près. Alors, ce livre-là est évidemment romancé, mais il part d'une... Le goût des murs sauvages part d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans un petit village à côté de Charmes, où un agriculteur s'est fait... happé par une de ces machines et s'est fait déchiqueter quasiment. Oui. Hein, par cette machine-là. Et puis son épouse a tenu à reprendre l'exploitation. Elle a eu beaucoup de mal parce que c'était une femme. En plus, on ne la prenait pas en sérieux parce qu'elle était... Elle adorait la danse, elle avait même un cours de danse. Elle donnait même des cours de danse. Alors on disait, qu'est-ce que c'est que cette danseuse qui vient faire de l'agriculture? Elle a eu beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et puis la ferme est dans un endroit très particulier où il y a une ancienne église templière. Oui. hein, que je connais bien pour y avoir été. Voilà. Je crois que c'est le livre de Gilles que j'ai lu qui était le plus poignant. Ok. Parce qu'il en a écrit. Il en a écrit. Et celui-là, alors, il vous a... Il y en a une autre que j'ai aimée, c'était La fleur au cœur d'or. Ouais. Parce que ma formation initiale, c'est l'horticulture. J'ai fait l'école de Reville-aux-Chênes. Donc vous vous êtes un peu retrouvé aussi. Donc voilà, ça parlait de choses que je connaissais, de la formidable épopée de l'horticulture lorraine au moment de l'école de Nancy. Ouais. Où l'horticulture lorraine était le centre du monde. Hein. Il y a des obtentions qui n'ont encore jamais été égalées jusqu'aujourd'hui. Des obtentions de Victor Lemoine, de François-Félix Cruz et tous ces gens-là formidables. Mais celui-là, le dernier, Le goût des mours sauvages, il m'a un peu... Ça vous touche plus. Ouais, il m'a un peu tiré... Je connaissais l'histoire. Hein, parce ça se sent, déjà... quand vous en parlez, ça se sent, il y a de l'émotion. Ça avait défrayé la chronique, tellement le fait avait été terrible, quoi. Hein. Un type dans la force de l'âge passé dans une machine agricole, c'était épouvantable, quoi. Hein. Et puis cette femme courageuse. Oui. Oui, doit oui. en faire une louche ça, de plus. Ça, on reprend ça, ce que dit Gilles. Elle doit en faire une louche de plus. Ça, c'est le dénominateur commun de tous les livres de Gilles. Il y a toujours une mère courage qui doit en faire des caisses pour être à peu près à la hauteur d'un homme. Merci, Patrice. Juste pour terminer, si jamais nos auditeurs ont envie de vous poser une question sur vos livres ou vous rencontrer, vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas ? J'ai une page sur Facebook que j'alimente quasiment quotidiennement. Elle s'appelle comment ? Patrice. Patrice Greff. Voilà. Il n'y a pas de truc derrière, auteur, tout ça, c'est Patrice Greff. Non, sur ma page Facebook, Patrice Greff. Ok, si on vous laisse un petit message, vous répondez. Absolument. Bien. Il y a aussi un site internet... Image Passion. Image Passion. Site W. Ouais. Point. Ouais. Comme. Très bien. Et là, on peut retrouver vos photos ? On retrouve de mes photos, on retrouve mes bouquins, tous mes bouquins. On retrouve tout, Patrice. De A à Z. Bien. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour votre livre, le 9e. Aux éditions Gérard Louis, j'ai bien retenu ma leçon. Ouais. Hein. Et peut-être pas le dernier. Et peut-être, sûrement pas le dernier. Gérard May, la fantastique Vallée des Vosges, vous invite vraiment à consulter ce livre, il est magnifique. Et on va même découvrir des endroits qu'on ne soupçonne pas. Merci beaucoup Patrice. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, merci à tous, au revoir.